Cette semaine, et ça, attendez. Hey, cette semaine, là, on aimerait bien entendre quelque chose de planant. Parce qu'elle se termine, là, nous sommes vendredi. Puis j'espère qu'entre vous et moi, il y a quelque chose qui se passe. Et oui, oui, oui. Et que ça plane pour nous. Hey, il est 1h14. Bam, bam, couche à ce stage, j'suis sur mon lit à bouffer ça, l'encombre dans mon whisky quant à moi. Peu dormi, vide et brimé, j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. En couleurs. Allez hop, un matin, une loulou t'es venue chez moi, bouffée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. Impossible. Abus ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Impossible. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Et pour vous, Madame Tremblay, ben moi, ça me plane pas vraiment parce que je suis en train de laver mon plancher et je me sens comme la Gestapo. Non, pas la Gestapo, la belle, là. La belle. La belle qui... Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel malheur, quelle vibration de s'envoyer sous le paillasson. Liné, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the vivant. Quel bonique en passant. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ma. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Comme la belle Sagouine. La Sagouine qui astique son plancher comme on astique les amours de notre présent et de notre passé. Ah, mon doux, la belle Sagouine qu'on l'aime lorsqu'elle nous ramène nos idées anciennes. Oh, dans ce temps-là, on n'était pas heureux. On cherchait le bonheur. Puis le bonheur se couchait pas très tard. Il se couchait de... Bonheur? Bonheur! Le bonhomme, bonheur! Non, c'est pas bonheur, c'est 7 heures. Le bonhomme, 7 heures, se coucher de... De bonheur? De bonheur! On aime le... Bonheur! Bonheur! La Sagouine, oui! Comment c'est? Oui! La Sagouine, oui! Ça va? Oui! On va se coucher de... Bonheur? Non, oui, on va se coucher avec le bonheur dans le cœur, puisque... Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Oh, attention! Il sera tout dès que le ciel me tombera sur la tête. Et que l'alcool me manquera. Ça plane pour moi. Solo de guitares. On savait, hein, pour le temps de l'été. Allez hop, ma nana, c'est tiré, c'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le barmelé sans seul. Comme un grand connard. Un connard. Attends. Les connards, on les connaît. Il y a Jean de Connard qui disait à sa fourmise « Il ne faut pas danser, mais se presser maintenant. » Et l'autre connard qui disait « On voit pas l'heure d'arrêter, pourquoi pas recommencer? » Le vrai connard. Et l'autre connard qui disait « Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? » Un pied dans le plat, ça plane pour moi, hey, on ça plane pour moi. Moi. Premièrement, le trois quarts du peuple québécois n'ont rien compris. Ils dorment, ça dort ce peuple-là. Peuple à genoux, ils sont à genoux. Chante ta délivrance. Ils chantent pas. Ils cherchent leurs dentiers à terre. Il y a une mienne qui en marque. Attends, on laisse le long. Ah, il me semble que c'est pas très indistinct. Mais non, oh. Ah, ça me va bien, je sens que c'est large. Sens-tu qu'il y a des mousses qui passent, passent? Tu pourrais devenir premier ministre. Oui, on tient à dire que ça planait non pas par le chanteur original qui est Plastique Bertrand, mais par Richard Gauthener. Richard. N'abuse pas, mon Richard. N'éternue pas, mon Richard. Non, reste silencieux, s'il vous plaît. Sinon, est-ce que ça plane pour toi, mon Richard? Non, refais pas. Alors, cette semaine, on s'excuse infiniment auprès de nos auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, législeurs, législistes, petiteurs, petitistes. Mais c'est qu'il y a eu un problème technique. Il y a eu un éternuement non voulu. Puis là, on a voulu cacher le micro. Puis là, le micro s'est montré devant notre nez. Puis là, on s'est dit, hey, le nez nu fort. Puis là, on n'est pas des nez nu fort. Non, vous êtes quoi? On est des nez dentiers. Ben oui. Vous êtes né ridicule. Oh, on est né ridicule, mais on va mourir aussi ridicule, c'est vrai. Cette semaine, ils ont entièrement raison. Prenez pitié pour eux. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots sur lui-ci. Sur lui-ci, celui-ci. Peut-être sur celui-ci aussi. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure, ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe aimanter. Aimanter. Aimanter. Ben, aimanter. Aimanter. De Souza. Aimanter. Tous les gens s'aimantent. Enfin, il y a beaucoup d'aimants et très peu d'aimantes. Des chercheurs et très peu de cherchantes. Et voyons donc, des chercheuses, chercheurs. Et on se demande souvent, pourquoi? Pourquoi? Ben dis-le, Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Non. On cherche plutôt la formule pour amener quelque chose d'intéressant. Puis dans l'intéressement, on voit... Elle s'appelait Françoise. Oh! Mais on l'appelait framboise. Parce que dans toutes les framboises, il n'y a pas que des pépins. Hein? Il est fier de ça, lui-là. Le ridicule est fier de ça. Le pépin. Hey, lâche ça, toi, là. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Il y a bien des adjudants qui n'ont pas d'idée. Alors, si on peut les rassembler ce soir maintenant, il y a l'adjudant-chef Cartozon. Ah ben, c'est moi. Moi, j'ai plein d'idées. Pour relever le Québec. Comment? Premièrement, là, le Québec est-il si bas? Il est dans très bas. Il est dans les... Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Merci. Toi qui nous sers à voir, pourrais-tu descendre un peu de ton strépantin? J'ai collé mon dentier sous le micro, ça a fait ping, ça y a donc. Ça a presque décollé dans mon. Ah mon doux. Strétise, pourrais-tu. Allô? Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Madelon? La Madelon vient nous servir à boire quand on la sent devant les remelons. Et puis d'abord, pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Les mamelles du destin? Mais on demande au destin de s'afficher. Est-ce qu'il est ici, le destin? Oui! Oh, monsieur le destin, vous êtes un sans-destin? Oui! Oh, ça s'entend. On est bien les sans-destins. Vous êtes heureux d'être heureux? Oui! C'est un sans-destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus loin que Pézenas? Je ne sais pas. Elle est aimantée, quoi. Êtes-vous aimantée, vous? Oui. Elles sont tous aimantées. Et tout en étant française, l'été tout de même antibaise. Oh! Ce soir, il est 1h20 quelques. Il y a des antibaises. Devons-nous nous baisser à ces allusions fausses de Bobby Lapointe? Parce que c'est Bobby Lapointe, hein. Les gens qui cherchaient. Il me semble que c'est Raymond Levose. Il me semble que c'est Crétin Memose. Il me semble que je ne vois pas la pause. Et comment ça que c'est pas aussi drôle que je m'en passais? Hey, dis-moi, là, pourquoi la terre ronde? Pourquoi pas plus les Français? Hey! Eh bien, qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti-baise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Le destin, monsieur le président, se cache en arrière de ses essaims. Des ruches d'abeilles viendront piquer notre curiosité. Est-ce normal? Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. Ça, c'est la classe, là. Ça, c'est la classe de tous les minables, de se faire augmenter la poitrine, sachant que le quotient intellectuel allait suivre avec. Il en est rien. Oh, Jenny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux solides, dans le manchland et les yeux solides, oh, Jenny Jane, toi les camions à peine. Oh. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins à poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Les mamelles, mesdames et messieurs, s'accrochent à l'espoir. Comme deux politiciens aux enveloppes brunes dévoilées à travers les médias, mais qui se cachent sous la protection de l'anonymat. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. L'angevine de poitrine vient de l'angevine de poitrin. Monsieur Poitrin est un être qui se voulait quand même consciencieux, mais qui cherchait l'au-delà à travers l'eau de vigne. Et l'eau de vigne est dans l'eau de vigne. Mais lorsqu'il y a trop de vignes, les raisins s'assèchent. Et quand les raisins s'assèchent, les cerveaux se perdent. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do. via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do chi bom chi bom bom. Dati do di do chi bom chi bom bom. Dati do di do. Il m'a fallu un an pour vraiment faire vraiment le deuil. Puis encore là, en rencontrant la non. Femme d'Alain Bachon, il n'y a pas de... Non, et en plus, ça a été... Ben, Chloé, c'est un peu comme une petite sœur maintenant. Okay. Tu vois, c'est un peu, je veux dire, maintenant, c'est un peu, c'est de la famille, c'est un peu... c'est un peu comme ma petite sœur, quoi, Chloé, okay. Maintenant. Donc, et puis, voilà, et puis j'étais pas... voilà, c'est ce qu'on se dit, mais... qu'y a-t-il d'intéressant après avoir joué avec Alain Bachon, quoi? Bon, quand même. Et c'est toujours Alain Bachon. Heureusement, j'ai Brigitte Fontaine, il y a comme j'ai fait TFN, des artistes, tout ça. Mais après Alain, on a l'impression qu'il y a. Qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, quoi. Ça a été. Bah, alors, de se dire. Et puis retrouver le plaisir de tout ça, quoi. Oh, oui. Ça, le plaisir, je l'ai vite retrouvé. Je l'ai retrouvé. Avec Brigitte Fontaine? Oui, et puis avec d'autres artistes, je le retrouve. Avec mais qui? Parce que. Bah, avec Brigitte, j'ai retrouvé. Surtout avec Brigitte, voilà. Mais en studio, c'est-à-dire le plaisir de faire de la musique, même chez moi. Et là, Higelin, là-dedans, à quel endroit il se situe, à quel moment il se situe Jacques Higelin? As-tu travaillé longtemps avec? J'ai fait un an et demi de tournée. J'ai fait la tournée de l'album Amour Doloroso. Oui, oui, voilà, qui est vraiment son retour. Et je n'ai pas fait la dernière tournée. Non, okay. Parce que bah, j'avais les dates avec Brigitte Fontaine. Il y avait moins de concerts. Mais Brigitte tourne beaucoup moins parce oui. qu'elle ne veut pas tourner. Bah, non, c'est pas ça. C'est que c'est... déjà, elle a 70 ans, il faut comprendre ouais. quand même. Okay. Et puis... je ne saurais pas te répondre pourquoi, je ne sais pas exactement, ça c'est l'histoire de tourneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors qu'on fait des salles, c'est mais tout plein, on joue. On frappe à sa porte, c'est elle qui dit « Oh non, je ne veux pas trop en faire », sans doute pour se donner non, entièrement. Non, ah non, okay. non, elle a un tourneur, elle a un tourneur comme tout le monde. Je ne saurais pas te répondre, mais en tout okay. cas, c'est un, par contre, c'est un vrai bonheur de jouer avec elle. Et malheureusement, cette femme ne veut pas venir au Québec parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion. Exactement. Et exactement. Elle n'est jamais venue au Québec parce qu'elle s'arrête au fait que l'avion, pour elle, c'est un cauchemar. Mais c'est ça. Et elle c'est est... dommage. En bleu, ma ouais, bébé. Amène Brigitte ici. Ah ouais, Brigitte, viens. J'ai vendu ma chèvre. Ah ouais, ma pour un chapeau de paille de chitichon que je suis noir. J'ai vendu ma chèvre. J'aurais peut-être pas du cœur. J'y pense de même, je me dis que ouais. Après tout, c'est fait, oui, mais quand même, quand je pense que moi, le beau cadre, mais je l'ai vendu pareil. Beau cadre. Un beau cadre, un beau cadre. J'ai vendu ma chèvre. On vend toujours quelque chose pour acheter n'importe quoi. J'ai vendu ma chèvre. À ce temps que c'est fait, je le regrette. Je me dis que j'ai pas été smart. Pis que si j'avais la chance, je le ferais donc pas la même chose. Pis qu'elle t'a pas si laide. Maudit que j'ai donc pas de cœur dans le fond. C'était une bonne chaîne. N'empêche que moi, le bon cadre, mais je l'ai vendu pareil. chèvre. Pour me mettre à revendre tout ce que je rachetais à chaque fois. J'ai vendu ma chèvre. Je me suis tanné vite du chapeau. Je l'ai changé pour des poissons rouges. Puis un bidet, puis une souffleuse que j'ai revendu pour une collection de livres sur les animaux. En mémoire de ma bonne vieille chef dont je m'ennuie un peu. N'empêche que moi, le bon cas, ben je l'ai vendu pareil. Attends, qu'est-ce que ça fait des petits poissons? Qu'est-ce que ça fait des petits poissons? Qu'est-ce que ça fait des petits poissons, ça fait? J'ai vendu ma chèvre. Des poissons, ça fait pas comme des chèvres. Des poissons, ça fait... Ça fait quoi? Ça fait... Des chèvres, ça fait... Bêtisier, que je ne veux pas te bêtisier. Il faut toujours apprendre ce que dans le fond, on sait déjà. On sait rien. J'ai vendu ma chèvre. Peut-être bien que si je l'avais pas vendu, je me serais pas mis à boire. J'aurais pas tué ma femme à force d'entendre se plaindre du fait que la souffleuse est à bien plus utile qu'une collection de livres pour déblayer la vie que je lui faisais mener. Depuis que j'avais vendu pour un vulgaire chapeau cet animal joyeux qui me tenait compagnie avant que je la séduise avec mes poissons rouges. Puis un billet français, j'ai pour gratter ma chaîne. Est-ce que moi le bon cabin, je l'ai vendu pareil? Isabelle, c'est Isabelle. Il y en a toujours mon chou. Oh, mon chou-fleur. Est-ce que c'est mon chou ou mon chou-fleur? On sait pas, hein? On se demande des... Mais c'est pas... Michel La Traverse, alias Plume La Traverse, qui nous a chanté « J'ai perdu ma chèvre » ou je sais pas. C'est quoi? C'est... On sait pas. Mais on se demande... Est-ce que c'est la faute d'Isabelle? Parce qu'Isabelle, devant Charles, c'est quoi? C'est très simple. Puis c'est synonyme de singularité musicale. Tout le monde peut chanter ça. Écoutez bien ça. Isabelle. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite. Ah oui, toi aussi. Et ne pensait jamais devoir se réveiller. Oh, réveille-toi pas, mon vieux. Mais au son de ta voix, oui, c'est moi. J'ai relevé la tête. Oui. Et l'amour m'a repris. OK. Avant que d'y penser. On y va. Isabelle. Attends, Charles, c'est pour toutes les Isabelle qui nous écoutent en ce moment. Envoyez-nous un courriel à Rénal Québec. Arrête les cours, les gens ne pourront pas comprendre. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial. Hotmail.com. Isabelle, mon amour. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercialhotmail.com. Isabelle. Oh, Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Oh, oui, je t'aime, Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle, mon amour. Oh, Charles. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, mon cochon. L'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force, il y a de la force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Ni repos. On savait. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Je décompresse. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Oh. Isabelle. Isabelle. Oh. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Oh. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. C'est vrai. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Des années. Qui donne à mon amour. Très fécond. Un goût de fin du monde. Oh, c'est vrai. Charles, la fin du monde. C'est en 2012. Isabelle. Trouble mon corps. Trouble ton corps. Autant que ma pensée. Ta pensée. Oh. Ah, Isabelle. Oh, Isabelle. Isabelle. Oh, Isabelle. Non, Isabelle. Hey, Charles. Si ici à Errance Rénaldienne, on oserait faire des. Oh, Isabelle. On nous couperait. On nous disait dehors. C'est de l'obscénité, mais toi, t'as le droit, mon rêve. Ah, voici mon Charles. Oh. Isabelle, non. Oh, Isabelle. Oh. Isabelle. Oh, oui, Isabelle. Isabelle. Oh, oh Isabelle. Oh. Isabelle, mon amour. Oh. T'es un vrai, toi, hein? T'es un vrai, vrai qu'on aime bien entendre bien. Oh, Isabelle. Oh. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres. C'est vrai. Car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Oh, ben, meurs comme la mort. T'es brillante, oui, ça m'arrive tout seul. Je me contenterai de caresser ton ombre. Est-ce que caresser ton ombre est assez important pour nous que de caresser... Si tu voulais m'offrir... Caresser ton cœur. Ton destin pour toujours. Ah oui, Isabelle. Isabelle. Mon amour. La pharmacie anglaise, entrée par le côté. Mettez-vous bien à l'aise, puis vous remarquerez que tout va de travers, mais ce sera sans souci. Vous êtes à votre affaire dans l'anglaise pharmacie. Dans la pharmacie anglaise, il y a pour patienter des sofas, des théières et de grands calumets d'opiumane. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. Pommade aux extraits de fair play. Granules de fin whisky, pince sans rire en cachet, aspirine au brandy. Dans la pharmacie anglaise, tout le monde veut y rentrer. Élégante foutaise et excentricité. Pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. Pharmacie anglaise. Dans la pharmacie anglaise, ça devient déjanté. Last Dance Craze d'un chapelier toqué. Jelly en émulsion. Essence de pain d'épices. Fighting spirit en flacon. Elixir Ready This. Dans la pharmacie anglaise, je vais y retourner. J'aimerais qu'elle te plaise et tu pourras te soigner. Dans la pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. Pharmacie anglaise. c'est, bah oui, elle est, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en plus de vraiment unique. Quelqu'un d'unique et d'adorable en plus, de très gentil. Tu vois, tout le monde voit l'image du côté frappadingue sur. Oui, bah, en fait, c'est une planète. C'est une grande écrivain, une grande philosophe, oui, et quelqu'un d'extrêmement intelligent. J'ai lu deux livres. Et de très gentil. C'est-à-dire, elle est juste. Très rigolote aussi. Oui, et puis elle est juste très timide. C'est quelqu'un de très timide en fait. Et voilà, et simplement, il y a des gens qui n'ont pas compris qui était la vraie Brigitte Fontaine. Mais là, les gens la découvrent sur scène parce que les derniers. Tu vois, les concerts qu'on fait depuis un an, c'est des concerts beaucoup plus profonds qui ne vont pas que dans la plaisanterie et dans le. Et voilà, et donc c'est quelqu'un de. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment unique aussi, tu vois. Et moi, je peux travailler. Moi, mais, c'est pour ça, je ne peux travailler qu'avec des gens comme ça. Mais moi, Yann, c'est ça, toi, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai de la chance. Tu as une vie de musicien assez exceptionnelle, tu vois. Tu rencontres. Pour le moment. Alors, comme on dit non, en France, mais, écoute, ouais, est-ce que c'est du bois? Oui. Mais ça risque à faire du bruit, c'est merveilleux. Mais tu rencontres des planètes musicales. Je ne l'ai pas choisi. Hein. En fait, j'en suis ravi. Hein. C'est vraiment des. C'est vraiment des concours de circonstances qu'on te reconnaît, on te voit sur une scène, on dit hey, c'est ce type-là que je veux avoir. Disons que Bachung, c'est différent. Bachung, c'est pas un concours de circonstances dans la mesure où j'ai auditionné. Oui, oui, oui, ouais. Oui, oui. Mais après Bachung, les gens qui te voyaient sur scène, c'était incroyable. Tiefen, on s'était rencontré parce qu'il avait vu, on lui avait parlé de moi, réalisateur, Miossec. Miossec, voilà. Oui. Tiefen, en fait, c'est pareil, il m'a vu sur Bachung et puis Paul Persson lui avait parlé de moi, tout ça, donc voilà, je me suis retrouvé sur Tiefen. Igelin, bah après pareil, ils m'ont tous vu sur des artistes, des choses, bon bah du coup les gens après t'appellent et. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Does a love kiss stay in my memory? Riddly pat, I know that new love thrills me. I know that true love will be. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? When my baby's lips meet mine, heartbeat, why do you flip? Then give me a skip beat sign. Fiddly pat and sing to me love story. Is me. I'm gonna make it. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why. Somebody say, he don't mind up, he don't mind up. Yes, I know, I know. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, oh yeah. Somebody cry, why. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Somebody sing, Kulumane, Kulumane, Kulumane siswe. Sinanzenja, baya chabula basitanda. Yo, somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody sing, cry. Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Hello, hello. Vous m'entendez, Madame Tremblay, c'est la fin de l'errance rénaldienne. J'espère que vous avez apprécié. Hein? Si vous voulez nous écrire, c'est très simple. Hello, hello, hello. C'est Rénal Québec à commercial. Hotmail.com. Rénal, RAYNALDQUEBEC à commercial. Hotmail.com. Hello, hello, hello. Si vous voulez aussi nous envoyer des félicitations, des éloges et aussi d'autres choses qui nous feront plaisir de lire quand même. Nous sommes des êtres positifs, mais il y a des négatifs parmi nous. Élimine-nous, on s'en fout. Alors, c'était Errance Rénaldienne. Bye-bye. À la semaine prochaine, si tout le permet. On se le souhaite. Hey, Johnny. Amen. Merci. Size old and kitty's black too. She loved to marry some top cat. Ain't that cool true? In the hills they've been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left the big pretty things, I got pretty things. Yeah, yeah. It's tight on as fast as the undoes a Mussolini. Jackknife prize, cause baby's in a bundle. Est-ce que par hasard vous seriez en transe en ce moment? Fontaine, c'est encore ça, c'est différent. C'est moi qui ai fait la démarche d'essayer de la contacter. Oui. Oh. Parce que. Voilà, là c'est vraiment moi qui ai fait la démarche il y a quelques années. Est-ce que ça fait un petit moment que je joue avec elle? Mais quel album? En fait, quand elle a fait l'album Libido. Oh. Et en fait, j'étais. Tu jouais dans la version studio? Non, j'ai pas joué. C'est M qui a fait les guitares de cet album. Ah oui, voilà. c'est vrai. En fait, quand elle a fait l'album, après, bon, ils ont commencé à monter des dates. Et puis apparemment, bon, il y avait des soucis avec Jerry. Et il s'est trouvé que je connaissais un des musiciens qui travaillait avec elle. Et moi, j'ai aussitôt dit, s'il y a vraiment une artiste en France. Alors qu'à ce moment-là, je venais de sortir de travailler avec TFN, voilà. TFN, ouais. Et je dis, j'ai vraiment envie de... C'est ça, TFN? C'est ça que je te disais tantôt? Ouais. Ah, mais t'as travaillé avec TFN? Ah oui, TFN, oui, j'ai fait une grosse tournée avec lui. Oui, c'est ça. Et on va... À quelle année, ça, 80? Oh, ça, c'est 2006. 2005, 2006. Est-ce que c'est la tournée Mélocolique Tour. Oui. Et donc, Brigitte, pour revenir à Brigitte, je l'ai... Est-ce que ça... 30 ouais, secondes, parce que c'est secondes. Incroyable. C'est une torture pour moi. On va prendre un peu de temps, voilà. Ah, voilà, c'est merveilleux. Et donc, j'ai dit, moi, c'est vraiment une artiste avec qui... Je rêve de travailler et de là la production a parlé d'elle et a parlé de moi. Puis aussitôt Brigitte et Areski ils ont dit il y a le guitare de Bachung, et puis bon bah voilà. C'est ça, alors donc Brigitte tout d'un coup m'avait vu, elle m'a dit je serais extrêmement flatté qu'il travaille avec moi, et moi j'étais pas arrivé. Et voilà, et donc on s'est rencontrés, et puis voilà, et maintenant on travaille ensemble. Mais c'est merveilleux, hein. Ouais, c'est une très belle histoire. Monsieur, je bois pour oublier que je vous hais. Bien autant que je vous aime, pour le tort que vous me faites, dont je ne puis me passer, pour ce plaisir offert par vous à mon corps devenu fou. Je bois pour oublier que je sais que je ne fais que passer dans votre vie bien rangée, pour oublier qu'avant-hier je n'aurais pas imaginé m'abandonner à vous si légère. Oui, monsieur, je bois pour oublier que je vous hais bien autant que je vous aime. Je bois, monsieur, pour oublier que je vous aime bien autant que je vous hais. Oui, monsieur, je bois pour encore vous offrir le plus beau de mes sourires, pour bien vouloir que vous me fassiez jouir alors qu'hier une autre que vous baisiez sans me dire. Oui, monsieur, je bois pour oublier que je vous hais bien autant que je vous aime. Oui, je bois, monsieur, pour oublier que je vous aime bien autant que je vous hais. Monsieur, je bois encore, parce qu'il n'y a rien de pire dire ce que ça veut dire. Oui, monsieur, je bois pour oublier que je vous hais bien autant que je vous aime. Alors oui, je bois, monsieur, pour oublier que je vous aime bien autant que je vous hais. Je meurs, monsieur, de n'avoir su exister. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.